tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h si vous avez raté le début. Cette semaine, on rediffuse Syrie, Colombie, quand l'État devient assassin. Une série de Nicolas Jox réalisée par Christine Digère. Au départ de cette série, il y a les récits des détenus rescapés des prisons syriennes, l'incrédulité et la stupeur, des dizaines de milliers de morts, des systèmes machiavéliques et des régimes pervertis devenus criminels. Il y a aussi la violence érigée en principe, la surveillance, la terreur en Colombie et l'étonnement, toujours, de constater ce que peut générer la soif de pouvoir. Alors pour commencer, les personnages. Une cinéaste, un professeur, une opposante, une médecin, un écrivain, tous syriens et anciens prisonniers ou menacés et désormais réfugiés avec l'envie d'en découdre. Et une journaliste, aspirée par son sujet et enfin, un procureur qui veut la justice. Ensuite, le décor. Les rues de Paris battues par les pas des manifestants, des slogans, de la colère, l'ombre des murs, des cellules, des nuits sans sommeil et des cris. Aujourd'hui, premier épisode, on est à Paris. Libérez le prisonnier en Syrie. Libérez le prisonnier en Syrie. Libérez le prisonnier en Syrie. Je viens d'arriver à la place de la République après avoir fait une marche assez lente depuis la Bastille parce qu'on porte des photos, on porte 1000 photos des prisonniers qui sont en Syrie depuis des années et des années. Alors on a fabriqué une prison en noir comme ça, comme symbole. Syrie. La grande prison. En mars 2011, des millions de Syriens descendent dans les rues pour demander la fin de 40 années de dictature. Des manifestations pacifiques, massives, une aspiration à la liberté à laquelle le régime de Bachar el-Assad répond par une répression meurtrière. 5 ans plus tard, on dénombre plus de 300 000 morts, des millions de réfugiés. L'intransigeance et la cruauté du régime a fait basculer le pays dans une terrifiante guerre civile, sans que la communauté internationale ne réagisse. Fort du soutien de l'Iran et de la Russie, la dictature syrienne ne recule devant rien pour se maintenir au pouvoir. Massacres, bombardements, usage d'armes chimiques. Le régime organise aussi des vagues d'arrestations massives dans la population. Depuis le déclenchement de la révolution, près de 75 000 civils ont été victimes de disparitions forcées. Une véritable politique de terreur menée par les hommes de la sécurité d'État, des renseignements militaires, des soldats ou des groupes de miliciens à la solde du régime. La Syrie s'est transformée en une gigantesque prison. Par dizaines de milliers, des hommes et des femmes disparaissent dans les geôles du régime. Où sont-ils emprisonnés? Qu'endurent-ils? Sont-ils encore vivants? Notre voyage commence dans les rues de Paris aux côtés de Syriens, exigeant la libération des détenus. Dans le cortège, Ala Abdallah, cinéaste syrienne. On voit une sorte de prison, mais c'est beaucoup plus vaste que les prisons en Syrie parce que les prisons en Syrie sont entassées par des prisonniers. Donc ça représente d'une façon très banale la prison, mais malheureusement c'est beaucoup plus terrible ce qu'ils vivent les prisonniers. C'est un petit symbole de la répression terrible que le peuple syrien souffre depuis 50 ans. Mais on a commencé à parler de ça depuis 5 ans, avec le début de la révolution. Les manifestants ici, il y a beaucoup d'anciens détenus, c'est ça, hein? Alors... Oui, il y a pas mal d'activistes qui ont démarré la révolution, qui étaient en prison aussi. Et il y a des anciens aussi, comme moi par exemple. Moi je suis une ancienne détenue du régime du père. J'avais fait la prison, j'avais 19 ans. Donc il y a des anciens, il y a des nouveaux, et ça prouve que ça continue depuis 50 ans, ce rapport avec l'absence absolue de la liberté en Syrie. Malheureusement, ça continue sous un silence terrible, et même tous les massacres. Qu'est-ce qu'on voit ici en fait? Ce sont les portraits de détenus dans les geôles en Syrie. On estime à 200 000 le nombre de personnes disparues. Ziad Majed, politologue. On connaît que certains ont été liquidés. L'idée, c'était de représenter un peu ces gens-là, de rappeler qu'ils ont des visages, qu'ils ont des noms, qu'ils ont des vies, des métiers, des âges, des familles. On voit par exemple la photo de Rania Abbasi. C'est la championne de la Syrie aux échecs. Elle avait remporté également le championnat arabe. C'est un médecin. Elle a été enlevée par les services de renseignement du régime avec ses 6 enfants et son mari en 2013. Et depuis, on n'a aucune nouvelle. Il y a d'autres personnes. Faye Elmir, un militant de gauche syrienne qui a passé 10 ans en prison sous Assad père, 2 ans et demi sous Assad fils. Et puis de nouveau maintenant, en 2013, il a été arrêté en septembre-octobre 2013. On n'a pas des nouvelles de lui. Il y a aussi des jeunes, des étudiants, des femmes, des enfants. Certains, on sait qu'ils sont vivants encore. Il y a des gens qui les ont vus dans des geôles. Mais d'autres, il n'y a aucune nouvelle. Donc je pense que l'idée, c'est de montrer qu'il ne faut pas permettre à l'oubli de tourner une page. Il faut que ces gens-là retrouvent la liberté. Et il faut que la justice soit faite en Syrie. Abdul Hilal Al-Mualem, 35 ans, agent immobilier. 1292 jours de détention. Taïsir Al-Bardash, 40 ans, agriculteur, 1532 jours de détention. Adel Barazi, 32 ans, archéologue, 1390 jours de détention. Mahmoud Abdul Kader, 46 ans, artisan, 1227 jours de détention. 27 ans, assistant chauffeur. Si on veut parler d'une métaphore qui résume la Syrie des Assad, c'est la prison. C'est des dizaines de milliers de gens qui ont passé des années dans les geôles. Il y a des familles, par exemple, où les gens s'amusent parfois, c'est évidemment tragique, mais ils comptent le nombre d'années que les frères et sœurs ont passé. Il y a des familles qui ont dépassé les 50 ans, 60 ans. Quand il y a 4 frères, chacun qui a fait 10 ans, une sœur qui a fait 7 ans ou 8 ans. C'est ça la Syrie des Assad, c'est une grande prison. Et d'ailleurs, l'opposant historique l'a qualifié de la grande prison. Les Syriens ont essayé de briser ses murs, puis la machine de mort les a de nouveau rattrapés. Et on voit des profils qui représentent toutes les catégories sociales, tous les âges, les deux sexes. Il y a des enfants, il y a beaucoup de lycéens, comme vous le voyez. Certains sont déjà depuis 5 ans, ils ont disparu depuis le début. D'autres, il y a 1 an, 2 ans. L'idée, c'était de montrer que tous ces gens-là ont des visages, ont des vies et ont des gens qui les attendent. C'est pas humain, donc les conditions ne sont pas humaines dans les prisons. Nisrine Alzar, réfugiée en France. Il y a des gens qui meurent directement sous la torture, il y a des gens qui meurent des conditions de détention. À cause des maladies, à cause du manque d'hygiène, à cause de le surpeuplement dans les prisons. Donc, dans les cellules individuelles, on peut trouver une vingtaine de personnes qui s'alternent pour dormir, donc, qui s'affixent, qui n'ont pas assez d'oxygène. Donc, les conditions sont terribles. Ce régime veut rester au pouvoir malgré les Syriens. Pour ce régime, les Syriens ne sont rien. Pour ce régime, la Syrie est sa propriété comme une ferme. C'est Mustapha Khalife qui le dit avec des très bons termes. Donc les Syriens n'ont pas de droits. Donc le régime fait ce qu'il veut avec sa propre population. Parce que cette torture et ces disparitions forcées existaient avant la révolution. Sauf que là, il y a eu des dimensions exponentielles. Il y a une politique de terreur, de déshumanisation. Le régime est persuadé qu'il a droit de vie et de mort sur sa propre population. Garance Le Ken, journaliste, spécialiste du conflit syrien. Ces disparitions forcées et cette volonté de détruire des quartiers entiers d'Alep, de Homs, de villes qui se sont révoltées, d'Idlib aujourd'hui, c'est la même politique, c'est la même chose. Dans la foule des manifestants qui réclament dans les rues de Paris le retour des disparus, un homme marche seul. C'est le docteur Issam Saad, un chirurgien syrien. Après le déclenchement de la révolution, son fils, refusant de tirer sur la foule, déserte les rangs de l'armée. Il sera abattu par un sniper du régime. Réfugié en France, le docteur Saad est un rescapé des prisons syriennes. Je suis un Syrien, actuellement réfugié en France. J'ai 61 ans. Je suis un chirurgien, nous sommes famille chrétienne. Nous vivons depuis 1970 sous un régime de tyrannie oppressif et répressif. Et on savait que la révolution va venir. Et puis dès que la révolution ou la révolte a déclenché, j'y ai participé. J'étais tellement heureux de sortir en manifestation, de faire une révolte, une vraie révolution contre le régime. J'étais très content. On sortait des manifestations pacifiques et le régime, il tirait sur nous. Et puis il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts que j'ai vus, que j'ai soignés. On a pu créer des hôpitaux clandestins pour soigner les gens et ça a dérangé le régime parce que les blessés, il fallait les emmener dans les hôpitaux militaires du régime et là où on finissait la vie des blessés, on ne les soignait pas, on les tuait par le régime. C'était le service de renseignement. Ils sont venus avec des mitraillettes. J'ai été menacé carrément dans mon cabinet. Et ils m'ont dit, venez avec nous. Nous sommes service de renseignement, sûreté d'État. C'était le 23 novembre 2012. En arrivant, on m'a fait descendre dans les sous-sols où il y avait plein d'agents de services de renseignement. J'arrive, on commence à mettre les menottes. Puis ils m'ont fait déshabiller complètement. J'étais à poil. C'est pour me humilier devant les gens. C'était l'hiver, il faisait très froid. Ils ont emmené un jeune qui sortait à poil de la douche. Il tremblait de froid. Ils ont commencé à le fouetter devant moi pour me faire peur. C'était horrible. Ils criaient d'une façon incroyable. Alors j'ai dit, les agents, vous voulez faire la même chose? Il m'a dit, peut-être, tu vas voir. Alors ils m'ont fait monter au deuxième ou troisième étage, je ne me rappelle plus. Toujours les yeux masqués. Là, ils ont commencé à faire une enquête avec moi qui a pris 2 heures. Ils m'ont fait écouter des enregistrements faits à la maison et dans mon cabinet. Je ne sais pas, j'ai été trahi par qui au cabinet. Ma secrétaire, femme de ménage ou peut-être service de renseignement, parce qu'il venait déjà à les services de renseignement en tant que patient. Mais je le savais. Je le savais que ce sont des agents. Et je leur disais que vous n'êtes pas des vrais malades, vous êtes des services de renseignement. On le connaît, vous savez, le visage, l'aspect, la façon, on le connaît par cœur. Non? Après l'enquête, on est rentré dans une cellule qui faisait 24 mètres avec 170 de tenue. Il n'y avait pas la place pour s'asseoir. Il faisait froid horrible. Ils ont mis une climatisation pour nous embêter plus. On est devenu malade. J'ai eu un abcès dans les poumons, j'ai eu des abcès dans les dents, le visage, des ulcères dans la jambe. Je commençais à mourir, moi, dans ces conditions. On ne m'a pas torturé pour l'instant, mais ils ont torturé les autres. Il y avait des salles à côté où les gens criaient à force de les torturer, c'était terrible. On appelait des gens pour aller à la torture. À côté, il y en a 4 ou 5 qui sortaient, il y en a 1 ou 2 qui revient. Elle dit, les autres sont morts. Voilà, ils sont morts. Il y avait un monsieur, c'est un professeur d'histoire, et il s'appelle le professeur Baghdadi. Il était déjà torturé, puis il avait le bras avec une gangrène. Son bras, elle faisait le volume de son corps. Il était là en train de mourir dans le coma et il est mort quelques jours après. Libérez les prisonniers en Syrie! Libérez les prisonniers en Syrie! Libérez les prisonniers en Syrie! Libérez les prisonniers en Syrie! Libérez les prisonniers en Syrie! Et on est parti dans un autre service de renseignement qui s'appelle Kfar Soussé. Quand on va à Kfar Soussé, où vous êtes mort, où vous êtes là à vie. Sortez jamais. Il y a eu 3 enfants avec nous, un enfant qui avait 9 ans, 13 ans et 15 ans. Il y avait 2 ou 3 jeunes qu'on les violait. C'était horrible. Et là, ce jour-là, à mon arrivée, j'ai été torturé par 5 personnes. Ils m'ont écrasé par les bottes, j'avais les côtes cassées, ils m'ont fouetté avec tout genre de matraques et des câbles électriques. Et ils m'ont cassé les doigts. Voilà. Et là, je suis tombé une semaine dans le coma. Alors, j'ai été torturé, moi, ici, pendant 1 mois, que 4 fois, parce que les autres étaient torturés 2 fois par jour. On a maigri d'une façon incroyable. Et ça, la faim, c'était terrible. Parce qu'on était dans une cellule où c'est fermé entièrement. Il y avait un projecteur de lumière très forte, blanche. On arrivait, on fermait les yeux, on était toujours comme ça. Vous expliquez cette débauche de cruauté, de sadisme envers les détenus qui étaient là. C'était pour soutirer des informations, ces interrogatoires, ou c'était simplement pour martyriser les gens? Pour martyriser les gens, pour arrêter la révolution. Ils avaient peur. Le régime, ils avaient énormément peur. Ils avaient la trouille. Parce qu'ils savaient très bien que les gens, un jour, ils vont révolter. Et là, ça commençait. Et ils avaient peur. Moi, ils n'ont pas voulu me tuer pour ne pas dire, voilà, le régime, il a tué un chirurgien chrétien. Dans ces centres, aujourd'hui, il y a encore des centaines, des milliers de personnes? Absolument. Bien sûr. Il y a des centaines, des milliers. On ne sait pas combien. On ne sait pas qui est resté là, parce qu'il y a des gens disparus, des centaines, des milliers. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont encore détenus? On ne sait pas. Mohamed Alaba, 30 ans, agriculteur, 1451 jours de détention. Mohamed Ouyoun, 30 ans, agriculteur, 529 jours de détention. En janvier 2014, un groupe d'opposants au régime de Bachar el-Assad rend public plus de 50 000 photos de prisonniers morts en détention. Des clichés insoutenables de corps squelettiques, de prisonniers morts de faim, torturés. Certains cadavres ont les yeux ou les organes génitaux arrachés. Ces documents ont été exfiltrés par un déserteur du régime, un militaire dénommé César. Garance Lequen, l'une des rares journalistes à l'avoir rencontré, lui a consacré un livre. César est un photographe de la police militaire du régime syrien de Bachar el-Assad. Il était chargé avant la révolution de photographier les cadavres des soldats morts en opération, accidents de voiture, suicides, meurtres. Comme dans beaucoup d'armées, on archive, on fait des dossiers sur les militaires qui décèdent. Donc il était chargé de faire ça avec son équipe. Il y avait 12 de photographes au sein de la police militaire. Et au moment de la révolution, quand la révolution éclate en mars 2011, on lui demande, lui et son équipe, de photographier des gens de Deraa, là où a démarré la révolution. Et visiblement, ce sont des manifestants qui ont été tués. Et puis le temps passe et on lui demande de photographier d'autres cadavres qui sont visiblement des détenus, qui sont morts dans les centres de détention du régime et qui ne sont pas morts de mort naturelle. Visiblement, ils ont des traces sur les corps, ils ont autour du cou, ils ont des traces de câbles de voiture, ils ont des pieds abîmés, ils ont des traces manifestes de torture. Le temps passe et les cadavres sont de plus en plus légers et amaigris. Et certains pèsent 30-40 kilos. Donc il s'aperçoit qu'en plus de cadavres qui sont visiblement morts, de personnes mortes sous la torture, il y a des personnes mortes de faim. Et on lui demande de photographier ces gens-là. Et il le fait, évidemment, puisque c'est un militaire, et on ne peut pas comme ça dire non à sa hiérarchie en Syrie. Mais il va voir un de ses amis, qui est un activiste syrien, qui s'appelle Sami, en lui disant « bon, il faut que je déserte, parce que je ne peux pas continuer, c'est terrible ce qui se passe ». Et Sami, qui lui est un activiste, qui fait partie de ces gens-là, qui poste sur les réseaux sociaux des vidéos pour montrer ce qui se passe en Syrie, pour témoigner de la répression du régime, lui dit non, il faut que tu restes, parce que ces photos que tu fais sont des preuves des crimes du régime, donc il faut que tu nous copies ces photos pour qu'on puisse les sortir de Syrie et les montrer au monde, pour montrer, documenter les preuves des crimes commis par le régime. Et César accepte. Il accepte de faire ça malgré sa peur. Et pendant 2 ans, il va régulièrement copier les photos qu'on lui demande de faire et qu'on lui demande d'archiver d'ailleurs, puisque ces photos de cadavres sont faites pour des archives. Et il les sort sur une clé USB qu'il cache dans sa chaussure et il les apporte à Sami, qui lui va les garder sur un disque dur et les envoyer à l'étranger pour les préserver. En fait, au quotidien, les chefs de la police militaire demandaient à César et à son équipe de se rendre dans un hôpital militaire. L'hôpital de Mézet, qui est dans un quartier extrêmement connu de Damas, plutôt chic, à 50 mètres du lycée français, à 400 mètres du palais présidentiel. On leur demande de se rendre chaque matin dans cet hôpital où sont entreposés des cadavres. Donc ils vont là et ils photographient des cadavres qui ont des numéros inscrits sur eux pour montrer que les ordres ont bien été exécutés. On est aussi dans un système où personne ne fait confiance à personne. Chaque subordonné veut prouver à son supérieur qu'il a bien exécuté les ordres, donc il fait des photos. Donc il y a beaucoup, beaucoup de suppositions, il n'y a pas une réponse, mais il y a un sentiment d'impunité totale qui fait que faire ces photos paraît incroyable pour nous, mais dans le vrai sens, ce n'est pas croyable, ce n'est pas entendable, et pourtant elles sont là. Donc César ne sait pas ce que deviennent ces corps. En revanche, les cadavres étaient mis dans des camions qu'ils quittaient l'hôpital militaire de Mézet. Et ensuite, il y a des hypothèses sur des charniers, notamment à Najra et à Bardalia, qui sont au sud de Damas. Human Rights Watch a enquêté là-dessus avec des photos satellites. Ils se sont aperçus que la terre avait été retournée dans un des cimetières d'une manière un peu large. Donc voilà, il y a des informations sur des charniers. Tantôt à coup de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, tantôt du fait des regards détournés pour ne pas voir les crimes de guerre qui sont perpétrés en Syrie, tantôt au travers de l'échange du sang des Syriens contre des intérêts politiques. Le résultat de tout cela étant que le peuple syrien subit le malheur jusqu'à ce jour, après avoir perdu plus d'un demi-million de ses enfants. Il est de notre devoir humain et moral d'aider les dizaines de milliers de Syriens et de Syriennes retenus prisonniers. Les cadavres que César a été chargé de photographier viennent essentiellement de Damas et de Daraa, puisque son bureau était chargé de cette région-là de Syrie. Et les cadavres, précisément, viennent à 50% de la branche 215 des services de renseignement militaire et à 30% de la branche 227, qui sont des branches qui sont localisées en plein centre de Damas, à 800 mètres ou 500 mètres selon la branche du Sheraton, de l'Opéra de Damas. Donc on est vraiment en plein cœur de la ville et chaque branche des services de renseignement a des centres de détention. Mais avec la révolution et la répression, avec le nombre de gens arrêtés, le régime a manqué de centres de détention. Donc ils ont ouvert des centres de détention, parfois dans des bureaux du parti Baas, parfois dans des stades, parfois dans des écoles. Une arrestation, elle peut se faire n'importe où, n'importe quand. Si elle se fait sous le regard de voisins ou de gens de la famille, vous êtes au courant que votre fils, votre frère, votre mère a été arrêté et vous allez à la pêche aux informations, parce qu'évidemment, on ne va pas vous dire où est-ce qu'il est, mais vous allez chercher les informations. Si vous êtes arrêté devant le regard de personne, là, vous disparaissez totalement de la terre. Et là, au bout de quelques jours, quand votre proche, votre fils n'est pas rentré, vous vous doutez qu'il a été arrêté. Mais il faut frapper aux portes, et pour frapper aux portes, il faut savoir où aller. Et une fois que vous savez où aller, il faut donner de l'argent, il faut donner des pots de vin pour avoir des renseignements qu'on vous donne. Des renseignements parfois vrais, mais parfois faux. Parfois vous payez pour avoir des renseignements, on vous dit que votre fils va bien, qu'on s'occupe de lui. En fait, votre fils est mort depuis des mois déjà, mais on continue à vous racketter. Ce sont des crimes contre l'humanité, ce sont des crimes de guerre, et c'est surtout intentionnel, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté, ce ne sont pas des accidents. Il y a une vraie mécanique, il y a une vraie organisation, donc il y a une vraie volonté. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on appelle ça un crime contre l'humanité. Mustapha Khalife est écrivain, auteur de La Coquille, un roman inspiré de ses 13 années de détention dans les prisons du régime. Face à l'horreur de ces photos, on peut s'interroger. Cette terreur contre la population est-elle récente ? Est-ce une réaction devant un peuple qui se révolte ? La réponse est non. En 1980, j'étais détenu dans le centre de renseignement militaire de Damas. Après 45 jours de torture, le chef du centre, le général Kamal Youssef, m'a convoqué. Il a parlé pendant très longtemps. Une seule chose m'a intéressé dans ce long discours. Il essayait de montrer qu'il était débordé, très très occupé. Il m'a donné un chiffre, me disant que son centre recevait chaque année 75 000 citoyens. Certains détenus étaient là quelques heures, d'autres passaient des années. Beaucoup, enfin, n'en ressortaient jamais. Ce centre était l'un des 16 centres de détention de la seule ville de Damas. Cela nous donne une idée de l'intensité de la répression depuis que ce régime est arrivé au pouvoir avec Hafez al-Assad en 1970. Aujourd'hui, avec le fils, dans les prisons, l'objectif est uniquement de tuer. Siège d'Amnesty International à Paris, nous rencontrons David Crane, l'ancien procureur du tribunal spécial des Nations Unies pour le Sierra Leone. Ce juriste américain présente son rapport sur les photos de César. Pendant des mois, aux côtés d'une équipe de juristes, il a rencontré le déserteur et étudié ces archives terrifiantes du régime syrien. Nous sommes les trois seuls procureurs qui ont inculpé des chefs d'État pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc, nous avons une crédibilité. Notre équipe est expérimentée. Il y avait des médecins légistes et des experts en photographie. Quand on nous a demandé d'expertiser ces photos, il fallait faire deux choses. Vérifier la crédibilité de César, un nom de code que nous lui avons donné pour le protéger lui et sa famille. Et vérifier l'authenticité des 54 000 photos exfiltrées par César avec beaucoup de courage. Notre médecin légiste m'a dit, il est plus difficile de truquer un atterrissage sur la Lune que d'aller sur la Lune. Vous ne pouvez pas falsifier ces photographies. Notre équipe en a examiné plus de 6 000 sur 24 000. Ces photos sont horribles et vous devez croire l'incroyable. Nous avons établi la crédibilité de César. Les preuves qu'il nous a fournies, si j'avais été procureur en Syrie, m'aurait permis d'établir l'existence de crimes contre l'humanité, d'attaques massives et systématiques contre des civils. Dans l'histoire pénale internationale, vous disposez rarement de documents établis par les personnes qui tuent attestant de leurs crimes. Nous n'avons pas vu cela en Yougoslavie, encore moins au Rwanda. La dernière fois que ce type de documentation a été faite, c'était avec les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils listaient les noms des morts. Tout cela montre que le régime est en train de détruire cyniquement ses propres citoyens pour rester au pouvoir. Nous avons été horrifiés de la manière dont ces gens sont morts. Nous ne pouvons pas vous montrer toutes ces photographies. Vous seriez psychologiquement marqué. Et vous devez comprendre cela. Les détenus étaient affamés. Ce n'est pas qu'on leur donnait peu de nourriture, non, ils étaient affamés. Et durant ce processus délibéré, ils étaient torturés. Pas pour obtenir des informations, juste torturés. Et ensuite, ils étaient exécutés. Pas rapidement, mais tués lentement. Nous avons des preuves médico-légales que ces personnes ont été étranglées par des courroies de transmission de véhicules. Beaucoup étaient étranglées presque jusqu'à la mort, puis on les laissait revenir. Beaucoup de victimes sont mortes 4 ou 5 fois avant de décéder. Cela est arrivé au XXIe siècle, mais ce sont des tortures médiévales. Pour honorer les victimes, leurs peines et leurs souffrances, mais aussi les familles qui souffrent, nous devons nous souvenir des victimes en recherchant la justice, parce qu'elles méritaient de vivre. Et que la dernière chose que nous ne voulons pas faire, c'est qu'on les oublie avec le temps, qu'ils disparaissent, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est notre part, c'est notre résistance. Nous n'étions pas lâches. On a défendu notre dignité d'une façon vraiment la tête haute, nous les Syriens. Il fallait la révolution. On attendait tous la révolution. Je demandais à Yassine de parler à la fin. De passage à Paris, l'opposant Yassine Alhadj Saleh nous éclaire sur la nature du régime des Assad. Ancien militant communiste, il est arrêté en 1980, il a 20 ans. Il passera 16 années de sa vie dans les prisons syriennes, dont l'une des plus terribles, celle de Palmyre, bâtie à quelques centaines de mètres du site antique. Leaders of the regime want to be sure that their orders are obeyed. Les leaders du régime veulent être certains que leurs ordres soient exécutés. To be killed, and so they need reports about them. The system. Et comme ils veulent qu'un grand nombre de civils soient tués, donc ils ont besoin de rapports qui proviennent du système de mise à mort pour documenter tout le processus et être sûr que leur ordre soit accompli. Ils veulent que les ordres soient exécutés parce qu'ils veulent écraser la révolution. Et je pense que c'est ce que Bachar el-Assad et les centres de décision iraniens veulent faire. Ils veulent écraser ces révolutionnaires et empêcher que les structures subalternes de l'appareil sécuritaire n'éludent leur mission, refusent de tuer les prisonniers en grand nombre. Ils veulent que le travail soit fait. J'éprouve une fascination particulière pour le slogan des partisans du régime « Al-Assad, où nous brûlons le pays », parce qu'il est tout autant criminel qu'admirable de clarté. Un slogan direct, simple, qui concentre pourtant en soi la philosophie politique du règne assadien. « Al-Assad, où nous brûlons le pays », ce slogan est captivant, surprenant de véracité, d'impudence ou d'extrémisme. Il a été scrupuleusement mis en application, incarnant ainsi à lui seul la théorie du régime et sa pratique. La théorie suppose qu'il existe un pays nommé la Syrie d'Al-Assad, dont dispose le propriétaire, Al-Assad, comme de son bien privé. Il ne tue pas tout le monde, mais en tue suffisamment pour que les autres se sentent menacés. Il n'emprisonne pas tout le monde, mais suffisamment pour que le reste redoute, où qu'il soit, d'être emprisonné. Il ne torture pas tout le monde, mais en torture tellement que la terreur et la peur hantent durablement les cœurs de tous les autres. Le propriétaire de la Syrie d'Al-Assad réussit parfaitement dans sa mission car il dispose d'une machine, l'État, qui se charge de tuer, torturer, humilier, corrompre et bien d'autres choses encore. Extrait de la question syrienne de Yassine Alhadj Saleh. Le terme de Moukhabarat désigne les agents secrets. apparatuses. L'appareil sécuritaire qui contrôle une industrie de la peur. Ils répandent la peur dans la société. Ils veillent à ce que le calme règne pour protéger les intérêts des centres de pouvoir. À l'époque du père, Hafez al-Assad, où ces structures policières ont été créées, je pense qu'il voulait monopoliser le pouvoir. Il souhaitait que tous ces différents services de renseignement restent indépendants les uns des autres et qu'ils n'unifient pas leurs efforts et ne travaillent pas ensemble. Afin que celui qui sache tout au sommet soit le président. Avec le fils, Bachar, je pense que le vrai centre de pouvoir ne se limite plus à Bachar lui-même. Il y a la famille, le clan Assad. Et puis il y a ce que j'appelle le complexe politico-sécuritaire et financier, composé de Bachar, des leaders de l'appareil sécuritaire et la nouvelle bourgeoisie qui a fait des fortunes en passant des contrats avec le régime. L'essence de l'assadisme est la peur et l'humiliation. En Syrie, la violence n'a rien à voir avec une punition. Elle est toujours liée à l'humiliation et à l'asservissement, et elle se mélange toujours avec de la haine. Partout maintenant, vous avez des bombardements, avec des barils de TNT, avec des armes chimiques. Il y a des régions entières assiégées par le régime. Près d'un demi-million de Syriens ont été massacrés, et cela dure depuis 5 ans, sans un seul jour où cela cesse. Vous approcher un petit peu pour qu'on puisse avoir comme une table ronde au lieu de conférence. Je m'appelle Katan. Oui, je suis syrien. J'ai 25 ans. Je suis venu en mars 2014 et je suis étudiant à Paris 6. Je fais les maths. Avec mes amis, on a pensé à faire quelque chose pour les réfugiés en général, les Syriens en particulier. Et en fait, on a créé cette petite association. Le but, c'est d'aider les étudiants réfugiés. On fait des petites activités socioculturelles, comme aujourd'hui, en fait, on a pensé à inviter nos amis, qui sont des activistes, en fait. Et il y en a une qui était prisonnier et un qui était prisonnier aussi. Elles vont parler de prison en général et de la vie des activistes syriennes et syriens dans la révolution. Je m'appelle Ayat Ahmad. Je suis syrienne et j'ai été arrêtée la première fois en 2009, avant même la révolution. J'avais 19 ans et j'ai été détenue pendant un an. J'étudiais alors la littérature française. Pendant la révolution, les hommes du régime ont violé les prisonniers. Ils ont pensé que cela allait faire peur à tout le monde. Le régime a arrêté beaucoup de femmes. Une banlieue de la ville de Homs s'est soulevée contre le régime et les forces de sécurité n'arrivaient pas à arrêter les gens de manifester. Donc le régime a commencé à arrêter les femmes qui venaient de Homs ou des alentours. Il suffisait d'avoir Homs sur sa carte d'identité pour se faire arrêter. Le plus grand nombre de femmes violées, c'était les femmes de Homs. Ce régime est expert en torture psychologique. Le pire, c'est de torturer et de violer quelqu'un de ta famille devant toi pour que tu parles et de menacer une personne d'être violée ou tuée. J'étais mineure dans les prisons du régime. J'étais vierge, étudiante à l'université. J'avais beaucoup de rêves à accomplir. J'ai été violée un jour après avoir demandé une couverture parce qu'il faisait très froid. Les problèmes liés au viol sont présents après la sortie des femmes de la prison, car malheureusement pour beaucoup d'entre elles, elles n'ont pas de famille qui les comprenne. Ce n'est pas une société compréhensive envers les victimes de viol. Il n'y a pas de cour de justice internationale qui permettrait à ces milliers de femmes d'exiger la justice et leurs droits. J'ai été témoin des pires violences sexuelles. Quand on demande à un détenu de violer son camarade en prison, un homme qui doit violer un homme, ils sont dans la même cellule et ils demandent à l'un d'eux de violer son ami. Comment ai-je pu me reconstruire en sortant de prison ? La personne qui m'a le plus soutenue, c'est ma mère. Mais aussi Rezan Zetoune, une militante syrienne des droits de l'homme, et aussi mes amis. Je pense que la prison, les tortures et même les viols ne peuvent pas détruire les rêves que les personnes ont, même si c'est difficile. Et ici même, dans cette salle, beaucoup de personnes le savent car elles ont été détenues. Quand le régime viole une femme, c'est pour porter atteinte à ses dignités et pour détruire ses rêves. Et donc, je refuse que cela m'arrive. En France, je suis à l'université, en journalisme, et je poursuis mes recherches sur les détenus en Syrie. Et j'espère pouvoir faire entendre leur voix. Sur la Seine, à Paris. Acha Abazied, association Syrie moderne, démocratique et laïque. On est à côté du pont Tolbiac et on embarque des personnes intéressées par la question syrienne ou qui ont envie d'en débattre avec nous. On va aller faire une petite promenade fluviale en musique avec quelques musiciens qui ont bien voulu jouer des airs un peu orientaux pour nous. Et on arrivera bientôt, pas loin du Jardin des Plantes. Et là, on accueillera à nouveau du public pour une programmation qui va durer jusqu'à minuit. Chaque traversée aura un thème. Aujourd'hui, le premier thème, ça sera sur le mouvement pacifique syrien. Donc son histoire, comment il a débuté, avec les gens qui l'ont vraiment porté. Aujourd'hui, on fait comme si la Syrie était remplie, c'est une guerre de djihad où tout le monde débarque et on oublie ces gens qui ont été des civils, ces citoyens ordinaires et qui ont un jour voulu revendiquer quelque chose de légitime, qui est un peu de liberté, un peu de pouvoir d'expression. Et on va montrer justement à travers ces témoignages, comment ça s'est passé, comment les premières manifestations se sont déroulées, ils ont été réprimés de manière atroce et comment petit à petit c'est devenu un conflit armé et ensuite un conflit militaire, régional et international. Au cours de cette traversée syrienne sur les eaux de la Seine, nous rencontrons Fadwa Suleiman, une comédienne farouchement opposée à la barbarie du régime. Au début de la révolution, elle manifestera durant des mois dans la ville de Homs encerclée. Une révolte née dans l'enfance. C'est une longue histoire vraiment, parce que dès que j'étais très petite, j'avais 6 ans, j'ai rêvé la révolution. J'ai aperçu le niveau parmi les riches et les pauvres. Quand j'avais 6 ans, j'ai rêvé l'école. Et le premier jour que je suis allée à l'école, j'ai rencontré le directeur et elle a commencé à hurler. ambiance. Et après, il nous a dit, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec vous. Nous sommes entrés dans l'école et en ce moment, il a pris un bâton et il a commencé à frapper. J'ai dit non, ce n'est pas l'école que j'ai rêvé. Je suis entrée à l'école, la professeure, elle a commencé à dire, qu'est-ce que vous voulez devenir dans l'avenir? Devenir Fadwa dans l'avenir. Et j'étais très en colère. Elle m'a dit, Fadwa, qu'est-ce que tu veux devenir dans l'avenir? J'ai dit, chef de la révolution. J'ai rêvé ça depuis longtemps. Qui suis-je encore quand mon visage, mon nom, la fleur de ma jeunesse, ma langue, ma voix, ma mémoire sont restés là-bas, habillés des dépris de mon pays. Je ne fis pourtant pas un seul pas. Je suis de là-bas, mais ne suis pas là-bas, ni ici. Je suis le lambeau de ces morts et les yeux de ces enfants égorgés dans leur sommeil. Je suis la nuit de leurs cris, l'instant ultime de leur vie. Je suis les décombres que dispersent les mains des mères et qui ne trouvent rien qu'au bout de leurs doigts, sur cahiers de chansons. Je suis comédienne. J'ai choisi le théâtre pour que je reste très proche du peuple. Parce que leur souffrance, c'est ma souffrance même. Je ne suis pas très, très loin d'eux. Je suis d'eux. Et tu ne peux pas faire l'art, pas être intellectuel si tu ne seras pas parmi les problèmes, tes problèmes, ça veut dire. Et pour ça, je suis sortie dans les rues. J'ai cherché mon visage dans les visages des autres. Et j'ai rêvé que je trouve les gens qui veulent faire la révolution. J'ai sorti à Damas, j'ai organisé plusieurs manifestations. Après, j'ai construit une coalition de femmes à Damas. On a apporté des slogans qui disent « Nous sommes face à la guerre, face à la violence. Nous sommes des femmes syriennes. La Syrie, c'est une patrie pour tout le monde. Arrêtez la guerre !» Je suis la porte de la maison. Un cadre sans image. Je suis la place des exactions, chaînes, prisons, incendies, sang. Je suis les minerais écroulés, et les églises, et les mémoires, et les maisons, et l'histoire. Je suis les avins nu-pieds, et les dévêtus, et les effamés, et les réfugiés, et les évadés des yeux de la mort qui courent vers la mort. Je suis la robe des vierges éclaboussée de sang, cadavre sans nom. Je suis la tombe du récit, écroulée sur les monts. Tamar Al-Omar, activiste syrien réfugié en France. Les premiers slogans étaient influencés par le printemps arabe et ils ont commencé par « Le peuple syrien ne sera jamais humilié, nous demandons liberté, dignité ». Un sentiment très nouveau. Il n'a jamais éprouvé ce sentiment de réclamer à voix haute la liberté dont on a beaucoup rêvé. Et puis c'était l'ingénieur, le paysan, l'ouvrier, l'étudiant, tous les rangs sociaux ont participé à la même manifestation, tous dans la rue. après 40 ans de répression, la première fois que le peuple syrien entend sa voix réclamant la liberté, parce qu'il n'avait pas l'habitude de réclamer et de crier à haute voix. Les arrestations ont commencé dès la première manifestation. En plus, les manifestants préféraient la mort à l'arrestation parce qu'ils savaient ce qu'ils leur attendait dans les geôles syriens. Il a été arrêté, il a perdu son œil, les hôtes cassées et tous les dents ont été cassées. Mouaouya Hamoud, activiste syrien réfugié en France. Des centaines de ses amis ont été arrêtés par le régime. Le travail est devenu très difficile pour eux, très dangereux quand même. Entre les images infiltrées par l'opération César, il a reconnu plusieurs de ses amis, les cadavres de ses amis qui étaient torturés et morts. Ce qu'il cherchait le régime, ce n'était pas les islamistes, c'était les activistes, même laïcs. Et on ne peut pas donner un chiffre exact, mais il sait que 50% ou même 60% des gens qui travaillaient avec lui ont été soit arrêtés, soit morts, soit enfouis en Syrie, dans des régions ou à l'extérieur de la Syrie. Ça veut dire les gens demandés par le régime, c'était vraiment eux, les pacifistes. Samar Kokesh, c'est une comédienne syrienne. Elle est jusqu'à maintenant en prison. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va sortir en vie ou pas? Zaki Cordello, il est un comédien syrien. Il est disparu tout d'un coup depuis 3-4 ans. Lui et son fils, il était pacifiste. J'ai aussi Akram Ruslan, qui est mort sous la torture. Il était un homme qui fait les caricatures. J'ai des amis, bien sûr. Même si je n'ai pas les amis, j'ai le peuple syrien, j'ai l'idée qu'il est en prison maintenant. L'idée de la liberté en prison maintenant. Nous sommes tous responsables de tout si on reste en silence. À ce que se passe en Syrie, c'est la honte. La situation des prisonniers est très difficile, horrible. Et ces prisonniers, ils ont fait tomber tous les principes mondiaux. Ils ont fait tomber tous les masques sur tous les visages des gens politiques partout dans le monde. Maintenant, on pose cette question. Le peuple syrien, ils ont fait tomber toutes les illusions. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit de l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire, la justice? Ils ont laissé Bachar al-Assad à tuer les gens. Si on reste en silence devant ça, sur quel chemin, vraiment, on marche? Terreur d'État, Syrie, la grande prison, un documentaire de Nicolas Jox et Christine Diger, prise de son, Laurent Macchietti et Jean-André Giannichini. Mixage, Olivier Dupré, texte lu par Mao Dartuis, interprète, Nema Tatafi. Remerciements à Ziad Majed, Garance Leken, Issam Saad, Racha Abazied et Fadwa Suleiman. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour des bibliographies, des liens ou nous réécouter à Damas, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, Colombie, l'impunité des crimes paramilitaires. Et pour plus de documentaires, allez voir le site de Tank, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Mais ne manquez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Les Pieds sur Terre, Une vie, une œuvre, Création en air et Une histoire particulière.